crois que ça nous fait partager le monde de Rostand et cette liberté qu'il acquiert à partir d'une sorte de prison martiale. Merci beaucoup Patrick pour tous ces éléments qui effectivement permettent d'avoir une vision beaucoup plus nuancée, beaucoup plus riche de Rostand. Et effectivement, je pense que ton exposé comme le mien nous amène directement à Cyrano, et donc sans attendre, et puisqu'on fera la discussion après les trois interventions, je passe la parole à Hélène Laplace-Clavry. On va vérifier du coup le son marche bien pour elle. Je pense que c'est bon. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça marche. Donc c'est parfait. À toi, Hélène. Merci beaucoup Jean-Claude et merci beaucoup pour l'invitation. Donc mon sujet va être très convenu, j'en ai peur, enfin beaucoup plus que ceux de mes prédécesseurs. En même temps, je me suis dit que c'était un passage obligé pour vous préparateurs travaillant sur avec vos étudiants sur Cyrano de Bergerac. C'est aussi un sujet impossible, comme vient de le dire Patrick, parce qu'infini, hein, cette question des réminiscences littéraires, des influences, alors, qui pour moi n'est pas la même chose que les sources. Hein, Jean-Claude a trouvé une source dont moi je n'avais jamais entendu parler. Là, mon propos, ce sera plutôt de passer en revue quelques-unes des influences, réminiscences littéraires et théâtrales qui s'expriment dans la pièce, en essayant de dégager quelques dominantes de mon point de vue, sachant, je le répète, qu'il est impossible d'être exhaustif sur un pareil sujet. Et si j'en ai le temps, je voudrais aussi prendre un ou deux exemples dont Rostand active ses références, les intègre à sa poétique et en fait un élément dynamique de son théâtre. Hein, c'est ce que je voulais dire par cette image du palimpseste en mouvement. Bon, voilà, le palimpseste, hein, des strates de textes, mais qui, voilà, n'a pas juste un collage de références de bon élève. L'un des objectifs de ce petit exposé étant peut-être de contribuer, après beaucoup d'autres, à relativiser l'idée d'une empreinte romantique absolument déterminante et massive, oui, bien sûr, mais il y a bien d'autres choses qui se jouent dans Cyrano. Alors, je vais partir de la belle formule de Pierre City, souvent reprise par les commentateurs. Cette pièce se passe dans le Lagard des Nichards. C'est dans un article de Pierre City de 1991. Formule très suggestive et qui résume bien, me semble-t-il, le fait que le spectateur de Cyrano reconnaît, identifie ou parfois simplement devine au fil des scènes toute une série d'échos intertextuels. Et ce kaléidoscope de référence est pour beaucoup dans le plaisir ressenti par le spectateur, toujours heureux de vérifier qu'il a de la culture. Mais cette phrase de Pierre City me semble également intéressante par sa dimension quelque peu ironique. Sans doute y a-t-il en effet quelque chose d'un peu condescendant dans le choix d'une anthologie scolaire, ici présentée de manière très intéressante comme étant le cadre de la pièce. Cette pièce se passe dans le Lagard des Nichards. City lui-même n'ajoute-t-il pas ce commentaire « Rostand eut le génie de donner pour véritable décor à son drame » le cercle des poètes disparus et des souvenirs scolaires. Fin de citation. Ce qui me paraît tout de même gênant dans cette référence, c'est d'abord que le Lagard des Nichards est une anthologie de morceaux choisis. Si l'on ne connaît un auteur que par le Lagard des Nichards, on le connaît en morceaux. Or, Rostand était un grand lecteur, un lecteur curieux et passionné, un lecteur éclectique aussi. Alors pardon, je passe très vite, hein, sur certaines choses fondamentales. Il y a un adjectif dans la pièce qui me semble fondamental, c'est l'adjectif hétéroclite, qui est employé deux fois si j'ai bien compté, notamment au moment où Ragnon va prononcer faire le premier portrait de Cyrano, acte 1, scène 2, page 63 dans l'édition Beignet. Et quel aspect hétéroclite que le sien, dit linéaire, et ça déclenche le portrait fait par Ragnon. C'est une clé pour comprendre le personnage de Cyrano et peut-être aussi l'esthétique de la pièce. Donc là, on se dit que l'image du lagarde de Michard rend cette dimension hétéroclite, ce côté collage, mais qui est peut-être aussi un peu réducteur. Et ce, d'autant que le lagarde de Michard est une anthologie d'auteurs consacrés. Or, Rostand ne convoque pas seulement des écrivains comme Corneille, Molière ou Hugo, il revisite la préciosité, il se souvient de Rotrousse, Caron ou Regnard, il mentionne des minores comme Voiture, Benserade, Chaplin, Saint-Amand ou Balthazar Barrault, et surtout, bien sûr, c'est bien connu, il va chercher dans les grotesques de Théophile Gautier, l'un de ses auteurs mal aimés, l'un de ses auteurs du second ordre, comme l'écrit Gautier, l'un de ses oubliés du premier XVIIe siècle, qui ne figure pas dans le corpus canonique des anthologies scolaires. L'œuvre de Savinien Cyrano de Bergerac n'appartient pas au canon, comme Savinien lui-même, elle se caractérise par sa marginalité, et c'est bien ça que Rostand va chercher, peut-être des liens hein, avec ce que vient de nous dire Patrick, d'une certaine soif de marginalité qui peut être une des explications du choix de ce personnage. Et d'ailleurs, même quand Rostand fait allusion à un classique comme Corneille, c'est le Corneille pré-classique qu'il évoque. L'auteur de la tragicomédie du Cid, pas encore classicisé, l'auteur de ce monstre baroque qu'est l'illusion comique, et l'auteur de pièces appartenant à un genre typique de la période pré-classique, la comédie héroïque, étiquette générique que choisit Rostand. Alors, certes, il n'est pas le seul à la fin du XIXe siècle à ressusciter cette catégorie générique, mais il est évident que par ce choix, il s'inscrit dans la lignée de l'inventeur du genre, c'est-à-dire Corneille, Corneille qui est mentionné 3 fois au tout début de l'acte 1, mais ce n'est pas l'auteur de Cinna ou d'Horace, c'est celui de Don Sanche d'Aragon et de Pulcheri, c'est-à-dire les comédies héroïques. Donc, c'était là un premier point. Rostand aime bien sortir des sentiers battus. Là aussi, ça enchaîne bien avec ce que vient de nous expliquer Patrick sur la bohème, un goût de bohème. Mais ce qui frappe le plus, évidemment, c'est la variété des sources d'inspiration, ou je dirais plutôt des clins d'œil qu'il adresse au public tout au long de sa pièce. Il y a là une évidente volonté de plaire à un public cultivé qui apprécie de voir tout un patrimoine littéraire défiler devant ses yeux, je l'ai déjà dit. Mais c'est sans doute d'abord pour Rostand, qui est encore un jeune dramaturge de 29 ans, une façon de rendre hommage à ceux qu'il admire. Avec Cyrano de Bergerac, on est en présence d'un exercice d'admiration. Admiration, alors c'est là que, pardon, je vais être très scolaire, qui se focalise autour de 2 grands pôles privilégiés, le XVIIe siècle d'une part, mais pas tout le XVIIe siècle, l'époque baroque plutôt, ou cette période étrange, hein, 1640-1657, qui serait un peu coincée entre le baroque et le classicisme, donc ça d'une part, et le XIXe siècle évidemment d'autre part. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas d'autres références en dehors de ces 2 pôles. Si on va du côté du XVIIIe siècle, hein, on a des échos du théâtre de Marivaux, plus encore de Beaumarchais. Coquelin a été un grand Figaro, et choisir Coquelin, c'est aussi, du coup, vis-à-vis du public, renvoyer à tout ce que Coquelin porte de patrimoine théâtral. Et au XVIIIe siècle aussi, je pense au très intéressant article de Jean Bourgeois montrant que la fameuse scène du balcon doit sans doute plus au Don Giovanni de Mozart qu'au Roméo et Juliette de Shakespeare. Bon, voilà, ça c'était pour bien sûr dire que si là je vais me concentrer pour donner quelques exemples sur le XVIIe et le XIXe siècle, ça n'est pas du tout exclusif. Alors, s'agissant de la dimension baroque de la pièce de Rostand, c'est un sujet en soi que je ne peux ici évoquer que rapidement, et je me permets du coup de renvoyer à l'étude que je consacre à la question dans l'un des volumes collectifs qui va paraître au classique Garnier. Pour résumer, mon idée c'est que Rostand ne se contente pas de donner pour cadre temporel à sa pièce le XVIIe siècle pré-classique. Je rappelle que l'action se déroule entre 1640 et 1655, il multiplie les allusions à cette époque et à son esthétique. Ainsi, la mise en abîme qui ouvre la pièce n'est pas seulement un hommage au théâtre baroque saisi dans sa matérialité la plus concrète, avec ce gros plan sur la salle et la scène, la salle d'abord, puis la scène de l'hôtel de Bourgogne, juste avant que le rideau ne se lève sur la représentation d'une pastorale, la Chloris de Balthazar Barrault. Donc, Rostand utilise d'emblée le procédé baroque du théâtre dans le théâtre, que l'on va retrouver tout au long de la pièce. Cette première scène virevoltante me semble passionnante, puisqu'elle ne sert à rien sur le plan dramatique, c'est en quelque sorte une anti-scène d'exposition dans la grille classique. C'est pour moi plutôt un manifeste baroque par son rythme, son désordre volontaire et la manière dont elle introduit dans la pièce le motif du Theatrum Mundi. Le véritable spectacle est dans la salle et grâce à l'intervention du trublion Cyrano, le spectacle va rester dans la salle. Cyrano, qui plus est à l'acte 1, est un avatar du Matamor de l'illusion comique, lui-même héritier du théâtre antique et de la Commedia dell'arte. C'est ça qui est compliqué, c'est que dès qu'on tient une référence, elle en déclenche elle-même beaucoup d'autres. Donc c'est une véritable histoire du théâtre en acte aussi qui se joue dans Cyrano. Cyrano, personnage qui par la suite ne va cesser de jouer différents rôles jusqu'à la mise en scène finale de sa propre agonie. Rien d'étonnant dès lors à ce que Rostand convoque des souvenirs du théâtre shakespearien, lui-même friand de mise en abîme et de vertige spéculaire. Au fil des scènes et des métamorphoses de Cyrano, on songe à la laideur de Richard III, à la truculence de Falstaff, à la conscience torturée d'Hamlet. On pense aussi, malgré tout, au balcon de Juliette à l'acte 3 et au jeu sur la duplicité des apparences dans des comédies comme As You Like It. Quant à l'acte 4, il semble rendre hommage aux grandes scènes de bataille dans les pièces historiques de Shakespeare. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas de l'intertextualité comme on l'entend d'ordinaire, c'est des clins d'œil, c'est vraiment des réminiscences, hein, des choses qui sont chères à Rostand, qu'il admire et dont il fait une sorte de tourbillon scintillant. Autre grande figure baroque vénérée par Rostand, Cervantes. Alors je parle de vénération, c'est un peu fort, mais j'en profite pour rappeler, pour tous ceux parmi vous qui n'ont pas visité la Villa Arnaga à Cambo au Pays Basque, et je ne saurais trop vous inciter à le faire, dans le jardin d'Arnaga, en bonne place, il y a trois statues, trois bustes de pierre qui rendent hommage aux trois divinités littéraires de Rostand, je crois qu'on peut le dire comme ça, et on imagine Rostand méditant devant ces trois bustes, Hugo, bien sûr, Shakespeare et Cervantes. Je trouve peut-être que les commentateurs n'ont pas assez parlé de la dimension quichotesque de Cyrano, certes discrète, mais à mon sens fondamentale. Le roman de Cervantes est mentionné une première fois à la scène 7 de l'acte 2, page 186 dans votre édition. De Guiche demande à Cyrano s'il a lu Don Quichotte. Cyrano répond par l'affirmative et ajoute « Je me découvre au nom de cet hurluberlu » avec une infinie admiration. De Guiche assimile alors explicitement Cyrano au Quichotte. Mais c'est surtout au dénouement que Cyrano s'identifie à l'ingénieux Hidalgo quand il affronte, halluciné, ses vieux ennemis que sont le mensonge, la sottise et les préjugés. Page 417. Et Rostand de préciser dans une didascalie que son personnage fait des moulinets immenses en frappant le vide avec son épée. Alors, le terme moulinet, et j'emploie au grand moulin, rendez compte, très suggestif en lui-même, et comme par hasard celui que De Guiche avait employé dans le passage précédemment cité, qui concernait directement Don Quichotte. Alors, ce lien de Rostand avec Don Quichotte, il a toute une histoire, hein, il faudrait renvoyer à la dédicace des Musardises le recueil poétique de 1890, la dédicace au raté, personnage, je cite, personnage funambulesque, les chevelus et grimaçants, pauvre Don Quichotte grotesque, et cependant attendrissant. Cyrano est un avatar de ces Don Quichotte grotesques. Et le thème de la folie, d'ailleurs, qui court dans la pièce, là aussi discrètement, mais me semble renvoyé aussi à Don Quichotte. Alors, voilà, je vais juste prendre un dernier cas de figure concernant le XVIIe siècle. Je me permets de renvoyer, concernant toute la question de la préciosité, qui est évidemment majeure, à l'excellent article de Myriam Dufour-Maître dans le numéro de la RHLF de décembre 2018, qui est très très précieux à tous égards, mais pour un point sur Rostand et la préciosité, c'est vraiment une étude fondamentale. Alors, je vais plutôt m'arrêter sur un autre aspect dont Patrick Beignet a parlé, mais qui me semblerait mériter une étude bien au-delà de ce que je vais dire là, c'est la façon dont la pièce revisite l'univers des contes de fées. Et vous pouvez peut-être profiter du fait que les agrégatifs ont aussi au programme les contes de Perrault pour les sensibiliser à cet aspect de la poétique rostandienne. Alors, c'est une obsession chez le tout jeune écrivain. Patrick parlait de la correspondance avec sa future épouse, Rosemonde Gérard, et pour lui, une fée, hein, d'emblée. Et d'ailleurs, quelques années plus tard, quand il fait construire le boudoir de Rosemonde à Arnaga, évidemment, le boudoir qui vient d'être magnifiquement restauré est orné de fresques représentant les principaux contes de Perrault. Rosemonde Gérard, elle-même, auteur d'un recueil de poèmes intitulé « Féerie », et on sait que dans les cartons de Rostand, dans tous ces projets qui n'ont jamais vu le jour, il évoque les contes de Perrault, notamment avec une prédilection pour la Belle au bois dormant. Alors, et Cyrano dans tout ça? Évidemment, le conte auquel on pense sans doute le plus spontanément, c'est La Belle et la Bête, qui n'est pas de Perrault, comme vous savez, mais de Madame le Prince de Beaumont. Je cite un passage de l'acte 5, scène 6, page 412. Roxane, je vous aime, vivez. Cyrano répond, non, car c'est dans le conte que lorsqu'on dit je t'aime au prince plein de honte, il sent sa laideur fondre à ses mots de soleil. Mais cette laideur qui est au cœur de la pièce de Rostand, c'est aussi celle de Riquet à la Houppe. Les échos sont nombreux entre le texte de Perrault et celui de Rostand, le même motif central de la laideur présentée comme la contrepartie d'une vive intelligence et d'une exceptionnelle maîtrise du langage. Et dans les deux cas, il y a une proéminence qui ridiculise le personnage. Le nez de Cyrano est précédé par la houppe de Riquet. Et dans le conte, d'ailleurs, il est à un moment question du gros nez rouge de Riquet. Autre écho entre les deux œuvres, il y a dans le conte de Perrault un épisode fantastique où la terre s'ouvre et donne à voir, je cite, « une grande cuisine pleine de cuisiniers ». Il en sort une bande de 20 ou 30 rôtisseurs, la lardoire à la main, qui se mettent à travailler en cadence au son d'une chanson harmonieuse. Bref, c'est Raguenaud chez Perrault. Toutefois, évidemment, Cyrano de Bergerac se distingue de ses modèles féeriques, puisque dans les deux contes mentionnés, les fins sont heureuses. Dans Riquet, comme dans La Belle et la Bête, le héros devient ou redevient beau grâce à l'amour de l'héroïne. Cyrano, lui, est idéaliste mais lucide. Il sait que cette possibilité n'existe pas pour lui. J'ai cité le passage tout à l'heure. Il faudra encore mentionner d'autres incursions de Rostand dans l'univers des contes. J'ai perdu mon passage. Oui, alors celle que mentionne Patrick dans l'édition Folio Classique, à savoir l'apparition quasi magique du carrosse de Roxane à l'acte 4, carrosse qui vient miraculeusement apaiser la faim des cadets. Il a l'air fait avec une citrouille, précise Roxane, n'est-ce pas, comme dans le conte, et les laquais avec des rats. On est chez Cendrillon, mais Roxane n'est-elle pas aussi une sorte de belle au bois dormant qui ne se réveillerait qu'au bout de 15 ans ? Davantage même, si l'on tient compte du fait que son cousin l'aime depuis toujours, depuis l'enfance. Et Cyrano lui-même n'est-il pas une variation sur la figure de l'ogre, un ogre abstinent, bizarrement abstinent, qui rêverait d'être un prince charmant ? Jean-Claude nous a rappelé tout à l'heure dans cette passionnante allusion aux emplois, que parmi les emplois que cumule le rôle de Cyrano, il y a le jeune premier, hein, bien sûr. Du coup, voilà, c'est un potentiel prince charmant, mais qui n'a pas le physique du roi. Je parlais de Pierre City tout à l'heure, dans son article déjà cité, il compare la rôtisserie de Ragnaud au palais de Dame Tartine. On n'est pas loin de la maison en pleine épice aussi de Hansel et Gretel, hein, au deuxième acte, avec cette nourriture qui envahit l'espace. Et on sait que Rostand avait demandé qu'on aille chercher des vraies volailles, des vrais aliments pour peupler la Seine. Alors, je vous l'accorde de manière très artificielle, ce conte popularisé par les frères Grimm me permet de faire le lien avec le 19e siècle. Alors, vous vous doutez bien qu'à cette heure-là, je ne vais pas entrer dans le détail, je voudrais juste prendre un ou deux exemples, dire deux ou trois choses. Alors, sur le romantisme, je rappelle la belle formule d'André Antoine qui parlait à propos de Cyrano d'un accident tertiaire du romantisme. J'aime beaucoup cette formule et je renvoie bien sûr à l'article de Florence Nogrette et Clémence Carité, toujours dans la RHLF, le fameux numéro de la RHLF, qui fait un peu le point sur cette légende de Cyrano de Bergerac, drame romantique attardé. Alors, un mot tout de même, parce que quand même, sur la présence de Hugo dans Cyrano, pour dire ce que j'ai essayé de dire sur Shakespeare tout à l'heure, c'est de l'intertextualité au sens d'un peu scolaire, c'est des clins d'œil, c'est des choses fugaces, fugitives, comme ça, dans la pièce. On songe à Ruy Blas d'un point de vue thématique, le ver de terre amoureux d'une étoile, mais on a aussi Hernani, dont le sous-titre espagnol « Tres para una » pourrait être celui de Cyrano, hein, puisque Roxane a bien trois prétendants. Et on songe éventuellement à Marion de Lorme, quand, au début de la pièce, la silhouette de Richelieu ancre la pièce dans l'époque Louis XIII, comme les romantiques, d'ailleurs pas seulement Hugo, aimaient beaucoup le faire. Et puis il y a le Hugo théorique, la préface de Cromwell, le mélange des genres, la dialectique du sublime et du grotesque, mais pas de réécriture hein, stricto sensu, plutôt un kaléidoscope d'écho qui au final produit quelque chose de très personnel, de très rostandien. C'est ça le paradoxe, c'est que plus il y a des références, plus finalement ça ne ressemble à personne d'autre qu'à lui. Et puis, là aussi, j'ai pas le temps et je peux encore renvoyer à la RHLF où Sylvain Léda avait proposé une étude sur l'influence de Musset sur Rostand, longtemps sous-évalué, me semble-t-il. Alors, Musset poète, bien sûr, parce que c'est une grande époque de l'admiration pour Musset poète, mais ce qui nous intéresse peut-être là davantage, Musset homme de théâtre, alors, l'influence peut sembler plus évidente sur une pièce comme les romanesques, chère à ma voisine, mais dans Cyrano aussi. Je prends juste un exemple. Une scène que j'adore, scène 6 de l'acte 2. Cyrano croit que Roxane lui avoue son amour puisqu'elle lui a donné rendez-vous et quiproquo atroce, c'est bien sûr de Christian qu'elle va lui parler. Donc on a ce procédé comique du quiproquo traité de manière dramatique et on a surtout, c'est ce qui me semble vraiment très musicien, je n'aime pas cet adjectif mais bon, on va faire avec, c'est le contrepoint burlesque de la duègne qui se gave de gâteau parce que pour l'éloigner, Cyrano a rempli hein, de gourmandise des petits papiers. Et au moment de la tension dramatique la plus forte, au moment le plus inopportun, parce qu'elle n'a plus rien à manger, elle passe la tête et Cyrano la remet dehors parce que vraiment c'est pas le moment. Pour moi, c'est comme un fantoche dans le théâtre de Musset. Vous savez, ces personnages burlesques qui font irruption au moment les plus tragiques. De On ne badine pas avec l'amour, des caprices de Marianne, on a l'esthétique du fantoche, pour moi ici, et ce mélange de fantaisie et de mélancolie qui nous rappelle aussi Fantasio, enfin les grandes comédies de Musset. Donc là encore, hein, ça n'est pas une référence explicite, c'est plutôt une parenté esthétique. Et il en va de même d'ailleurs, je vais essayer de boucler très vite et toujours en vous renvoyant à ceux qui ont bien parlé de ces aspects-là, il y a un nom que je tiens beaucoup à mentionner ici, notamment sur cette question de la fantaisie, c'est bien sûr Banville, Banville poète et Banville homme de théâtre. Alors, je crois que Bertrand de Goth nous écoute, j'en profite pour le saluer et dire qu'il y a un article absolument fondamental de Bertrand de Goth, le comique en vers chez Rostand, le sourire du lecteur, qui fait un point, à mon avis, très éclairant sur l'empreinte esthétique formulesque dans l'œuvre de Rostand. Alors, je vais me contenter d'en citer un extrait. Tout en rappelant, parce que Bertrand se concentre surtout sur Banville poète, je viens de parler de Riquet à la houppe. Riquet à la houppe, c'est une comédie féerique de Banville créée en 1884. Voilà, on a, c'est une sorte de puzzle hein, dont Patrick a donné des éléments qui ne sera jamais complet, Dieu merci. Mais là aussi, hein, je pense que ce Riquet à la houppe de Banville est dans la genèse de Cyrano, il y a quelque chose qui se joue de ce côté-là. Alors là, je cite Bertrand de Goth, peu défini par Rostand lui-même, son système dramatique doit beaucoup à Banville, dont il est l'héritier à la fois le plus populaire et le plus controversé. Et Bertrand insiste sur cette alliance du lyrique et du bouffon qui est la clé de la poétique de Banville et qu'on retrouve chez Rostand avec qui se traduit dans cette virtuosité, ce goût de l'acrobatie métrique et prosodique qui a tant été raillé mais qui se comprend mieux si on l'éclaire avec ce concept hein, du funambulesque qui vient de Banville, bien sûr. Et alors là, je vais en profiter puisque j'ai Patrick Béni à côté de moi, j'avais préparé une petite question parce que dans son édition, il propose un rapprochement qui me semble lui aussi très éclairant et très inattendu avec Corbière, puisqu'on est dans cette filiation à la fois de la virtuosité métrique, d'une certaine irrévérence là, carrément métrique, et d'une fantaisie teintée de mélancolie. Enfin, chez Corbière, c'est quand même aller au-delà de la mélancolie. Bref, je fais allusion à la note de Patrick, page 415, acte 5, scène 6, Cyrano prononce son propre épitaphe, sa propre épitaphe, Sigy Hercule Savinien de Cyrano de Bergerac, qui fut tout et qui ne fut rien. Et Patrick écrit qu'on peut peut-être penser à l'épitaphe de Corbière dans Les Amours jaunes. On peut aussi penser toujours aux Amours jaunes, à des poèmes comme Paria, à cette obsession de Corbière, hein, de la laideur et du poète paria. Être artiste, c'est forcément être paria. Alors, voilà, ma question portait sur le peut-être. Pourquoi est-ce qu'à l'époque, je suppose que si tu as mis peut-être, c'est que tu n'avais pas de preuve que Rostand avait lu Corbière. Est-ce que depuis, tu aurais trouvé des choses là-dessus? Oh, peut-être à chaud, on peut s'arrêter là-dessus. Oui, bien sûr, ça date de 40 ans. Tant que ça, cette édition? Oui, c'est sorti en 83. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est pour ça. On trouve depuis, on en sait plus sur Cordier et Roustan. Je ne sais pas, tous les jours en me réveillant, chercher à éliminer ce pépère. Tu me prends de court, je m'étais surtout arrêté sur l'idée de l'hôpital. C'était pas pour éliminer, et puis c'est avec peut-être avec la même méfiance que tu as évoqué tout à l'heure devant l'idée de source, d'intertextualité, etc. Voilà. Bon, il se trouve que ça a traversé ma cervelle au moment où j'ai trouvé ça. Je crois que c'est, et l'élargissement que tu donnes est absolument passionnant. Et puis, chez Corbière, l'arlequin rabout, le mélange adultère de tout, ça résonne quand même énormément. Donc, supprimer le peut-être. Non, non, pas du tout. Non, parce qu'il faudrait. Moi, j'ai aucun doute, mais. Enfin, peut-être que il y aura des avis là-dessus. C'est aussi une façon de ne pas imposer ça comme ça. Oui, mais moi, ça me semble très, très séduisant, au moins comme hypothèse, mais très convaincant. En conclusion, donc ce que j'ai essayé de dire avec cette idée de palimpseste en mouvement, c'est que Cyrano n'est pas une sage juxtaposition de références scolaires, comme pourrait le laisser croire la phrase de City sur le lagard des Michards. On a un creuset dynamique dans lequel viennent se fondre des souvenirs de lecture et de spectacle, souvenirs de Rostand, qui sont aussi les souvenirs de ses spectateurs d'hier et on peut l'espérer d'aujourd'hui. On a l'impression d'un ensemble de réminiscences, plus ou moins furtives, comme on l'a vu pour Shakespeare ou pour Musset. Rien n'est parfaitement, totalement ou évidemment shakespearien dans Cyrano, mais le lecteur, spectateur, peut s'amuser, je vais revenir là-dessus, à établir des passerelles, à faire des rapprochements. L'intertextualité chez Rostand a en effet quelque chose de profondément ludique et virevoltant. Ce que rend très bien l'article de Jules Lemaître, si souvent cité à juste titre comme l'un des plus lucides au lendemain du triomphe de Cyrano, et Patrick le reproduit en grande partie dans son édition, Lemaître brosse en quelques lignes, et avec beaucoup plus de finesse que je viens de le faire, un panorama des souvenirs littéraires qui innervent la pièce de Rostand. Il voit en Cyrano de Bergerac la récapitulation de, je cite, « 3 siècles de fantaisie comique et de grâce morale ». Mais plus encore, il suggère comment chaque référence est mise en perspective, modifiée par ce que j'ai appelé un palimpseste, c'est-à-dire une série de strates qui se contaminent les unes les autres. Ainsi, pour Lemaître, il n'y a pas d'un côté des souvenirs de la littérature du XVIIe siècle et de l'autre des échos de la littérature du XIXe siècle. Il y a, comme il l'écrit, du Saint-Amand, revu par Théodore de Banville, assisté de Jean Richepin. Et voilà, il ne faut pas qu'on puisse dire mieux. Donc, si Rostand est un bon élève, il est un élève, sinon irrévérencieux, du moins libre de jongler comme il l'entend, avec sa mémoire et avec ses admirations. Cyrano est donc une somme, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Claude, une synthèse, mais une synthèse hétéroclite et dynamique, ce qui, en soi, est un manifeste esthétique. Merci beaucoup, Hélène.